Appel urgent à tous les citoyens. L'analyse concrète après 9 mois de vaccination Covid montre des conséquences dévastatrices. Ces chiffres officiels choquants montrent une augmentation impressionnante de 24 000% par rapport à la moyenne annuelle de 9,8 décès post-vaccinaux dans la période qui précède le début des vaccinations contre le Covid-19. Pourquoi l'Institut Paul Ehrlich ne tire-t-il toujours pas la sonnette d'alarme? Troisièmement, bilan choquant sur 9 mois du CDC. On constate une augmentation de 9 200% par rapport au taux de déclaration annuel moyen de 235 décès avant le début des vaccinations contre le Covid-19. Un crime mondial historique de vaccination contre l'ensemble de l'humanité se déroule donc sous nos yeux et qui est encore étouffé de manière criminelle par tous les médias du mainstream. Le débat sur la vaccination contre le Covid-19 connaît actuellement un développement vertigineux. La Saxe est le premier État à avoir introduit le pass sanitaire 2G à l'intérieur des restaurants et lors d'événements, excluant ainsi les personnes non vaccinées d'une grande partie de la vie sociale. Le joueur de football national Joshua Kimmich exprime ses inquiétudes concernant la vaccination contre le Covid-19 et il est ensuite traité comme un criminel. L'ancien champion du monde de football, Paul Breitner, ne le laisserait plus jouer. L'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder exige même qu'on discute enfin d'une vaccination obligatoire pour tous les citoyens. D'autre part, presque personne dans les médias du mainstream n'est autorisé à signaler, et encore moins à discuter publiquement, les décès et les effets secondaires graves survenus en rapport avec les vaccins contre le Covid-19. Dans une vérification des faits, déjà 3 mois après le début des vaccinations en avril 2021, CLA-TV a révélé dans son émission « Appel urgent au réveil » un bilan choquant des vaccinations contre le Covid-19. Des milliers de personnes meurent après avoir été vaccinées contre le Covid-19. Premièrement, 324 personnes âgées meurent dans les maisons de retraite allemandes peu après la vaccination contre le Covid-19. Deuxièmement, 3298 personnes âgées sont infectées dans les maisons de retraite allemandes peu après la vaccination contre le Covid-19. Troisièmement, des autorités renommées telles que l'Institut allemand Paul Ehrlich, l'Agence européenne des médicaments EMA ainsi que l'Agence américaine de protection de la santé CDC ont publié depuis le début de la vaccination contre le Covid-19 un nombre sans précédent dans l'histoire de la vaccination de décès choquants et effets secondaires graves. Les gens sont très intéressés par ce débat public sur les dommages causés par les vaccins contre le Covid-19, qui a jusqu'à présent été catégoriquement bloqué par les médias du mainstream. C'est ce que montre la réponse à l'appel urgent au réveil d'avril. Grâce à une diffusion active, plus de 2 750 000 personnes ont déjà vu cet appel au réveil. Par l'engagement d'un seul téléspectateur de CLA TV, environ 400 000 personnes ont pu être atteintes rien qu'au Japon. Cela a peut-être contribué au fait que la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Japon a été arrêtée pour l'instant. Aujourd'hui, nous effectuons une nouvelle analyse concrète sur la base de données beaucoup plus complète après 9 mois de vaccination contre le Covid-19. Quelles sont concrètement les conséquences actuelles de cette vaccination? Premièrement, les décès et les infections causées par le Covid-19 dans les maisons de retraite ne cessent pas malgré la vaccination. Osthofen, malgré une vaccination complète, plus de 100 personnes ont été infectées. 13 résidents sont morts à la suite de l'infection. Norderstedt, sur 76 résidents, 60 ont été infectés. Seuls 3 n'étaient pas vaccinés. Plus tard, 6 résidents sont décédés. Schorfheiden, 44 résidents ont été infectés malgré un large taux de vaccination. 10 femmes et un homme sont décédés. Bad Doberan, épidémie massive de coronavirus. Malgré un taux de vaccination de plus de 90%, 66 des 83 résidents de la maison de retraite ont été infectés. 6 sont décédés. Oberhausen-Holten. 3 personnes âgées ont dû être réanimées 3 jours après la 3e vaccination. Une de ces personnes est décédée. Zellingen, en Belgique. Bien que près de 100% des personnes âgées aient déjà reçu la piqûre de rappel, 28 résidents tombent malades du Covid-19. Ces quelques exemples constituent tout au plus la pointe de l'iceberg et soulèvent la question urgente suivante. Les deux ou trois vaccins protègent-ils vraiment contre le Covid-19? L'Institut Paul Ehrlich lui-même semble avoir de sérieux doutes à ce sujet, puisqu'il a dû modifier trois fois la description de l'efficacité des vaccins contre le Covid-19 au cours des dernières semaines. 15 août 2021. Les vaccins Covid-19 protègent contre les infections par le virus du SARS-CoV-2. 7 septembre 2021. Les vaccins Covid-19 protègent contre une évolution grave d'une infection par le virus du SARS-CoV-2. 23 septembre 2021, les vaccins Covid-19 sont indiqués pour l'immunisation active en vue de prévenir la maladie Covid-19 causée par le virus SARS-CoV-2. De la protection initialement promise contre une infection par le coronavirus, il ne reste donc désormais qu'un vague espoir que les prétendus vaccins puissent avoir un effet préventif. Même l'Institut Robert Koch, RKI en abrégé, n'ose désormais plus parler d'un effet protecteur de ce qu'on appelle le vaccin de protection contre la maladie du Covid, car il a retiré de sa page d'accueil, le 2 novembre 2021, la formulation suivante. La vaccination a un effet protecteur élevé d'au moins 80% contre le Covid-19 sévère, indépendamment du vaccin utilisé. De même, l'estimation selon laquelle les personnes vaccinées ne jouent pas un rôle important dans l'épidémiologie a été supprimée. C'est donc précisément ce qui constituait jusqu'à présent la base des privilèges des vaccinés qui a été supprimée. Cela constitue une déclaration de faillite et montre que les personnes vaccinées ont été trompées. L'effet protecteur n'a été que simulé. Manifestement, le PUI et le RKI tentent de sauver la face avec ces modifications, car la vaccination, avec l'augmentation rapide des infections au Covid chez les personnes déjà plusieurs fois vaccinées, met en évidence le manque d'effets protecteurs. Deuxièmement, bilan choquant sur 9 mois de l'Institut Paul Ehrlich. En l'espace de 21 ans, de 2000 à 2020, un total de 210 décès d'adultes suite à des vaccinations a été signalé à l'Institut Paul Ehrlich. Cela correspond à une moyenne de 9,8 décès par an. Dans notre émission « Appel au réveil urgent », des décès par milliers après la vaccination Covid-19, nous avons déjà indiqué pour le premier trimestre 2021, selon l'Institut Paul Ehrlich, 407 décès après une vaccination contre le Covid. Au 30 septembre 2021, l'Institut Paul Ehrlich annonçait déjà 1802 décès après l'administration du vaccin Covid. Extrapolé à l'ensemble de l'année 2021, cela correspond à 2402 décès. Ces chiffres officiels choquants prouvent une augmentation d'environ 24 000% par rapport à la moyenne annuelle de 9,8 décès avant le début des vaccinations Covid. Pourquoi le PEI ne tire-t-il toujours pas la sonnette d'alarme? Au lieu de cela, le PUI a même supprimé le point décès dans l'aperçu de ses prétendus rapports de sécurité et a dissimulé les décès de manière raffinée dans le texte. Au vu de tels faits, ne faut-il pas conclure à une irresponsabilité inconcevable, voire à une démarche criminelle de la part de cette autorité? Troisièmement, bilan choquant sur 9 mois du CDC. Avant le début des vaccinations Covid, le CDC a signalé 235 décès en moyenne annuelle entre 2010 et 2020 après l'administration de toutes sortes de vaccins. Le 29 mars 2021, après seulement 3 mois environ de vaccination Covid, le CDC annonçait déjà 2509 décès. Après environ 9 mois, le CDC annonce maintenant un nombre incroyable de 17 128 décès au 15 octobre 2021. Extrapolé à l'ensemble de l'année 2021, cela représenterait 21 635 décès. Par rapport au taux de déclaration annuel moyen de 235 décès avant le début des vaccinations Covid, cela représente une augmentation de 9 200%. L'émission en allemand de CLA TV, USA, plus de décès dus à la vaccination Covid que de décès dus au Covid, montre même qu'aux États-Unis, il y a très probablement eu plus de décès après la vaccination que de décès dus à la maladie du Covid elle-même. Quatrièmement, Autre fait mis en lumière depuis le premier appel à la vigilance d'avril qui exige un arrêt immédiat de la vaccination. Premièrement, des pathologistes démontrent sur la base d'autopsie que la vaccination est à l'origine de la mort dans 30 à 40% des cas. Deuxièmement, des médecins démontrent la présence de graves impuretés dans les vaccins dits Covid. Le Japon a arrêté la campagne de vaccination en raison des impuretés dans le vaccin Covid. Troisièmement, des fausses couches augmentent dramatiquement après la vaccination Covid-19. Quatrièmement, contrairement à ce qu'affirment les médias, plus de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées doivent être hospitalisées à cause du Covid-19. Cinquièmement, un entrepreneur de pompes funèbres britannique témoigne que depuis le début du programme de vaccination Covid, une vague de mortalité sans précédent a commencé. En revanche, les chiffres concernant les décès dus au Covid ont été massivement faussés vers le haut. Total de l'analyse complète après 9 mois de vaccination. Les chiffres publics choquants des plus hautes autorités comme l'Institut Paul Ehrlich et le CDC ont encore une fois explosé de manière dramatique par rapport au cri d'alarme de CLAT TV en avril. Sous nos yeux se déroule donc un crime vaccinal mondial historique contre l'humanité entière. Celui-ci est encore criminellement passé sous silence par tous les médias du mainstream. Notre appel au réveil est donc plus urgent que jamais. Cinquièmement, la grande tromperie de la population par les médias de masse uniformisés. Les effets secondaires exorbitants des vaccins cités dans cette émission, allant jusqu'à des milliers et des milliers de décès en relation temporelle étroite avec l'injection Covid, contrastent fortement avec la propagande vaccinale quotidienne des médias du mainstream financée par les taxes obligatoires. Comment est-il possible que tous les médias du mainstream taisent de manière tout à fait irresponsable cette catastrophe vaccinale devant le peuple et bloquent catégoriquement tout débat public? Le fameux virologue Christian Drosten a même récemment déclaré « Notre réalité est ce que les médias nous reflètent ». De cette manière, en tant qu'agence de publicité pharmaceutique, les médias de masse suggèrent au peuple la réalité d'une vaccination Covid parfaitement sûre. L'analyse concrète après 9 mois de vaccination Covid révèle cependant une véritable catastrophe vaccinale. Les médias de masse manifestement alignés ont ainsi désinformé et trompé la population de manière tout à fait criminelle. Appel urgent à tous les citoyens. Chers téléspectateurs, notre appel urgent s'adresse donc une fois de plus à tous les citoyens. Aidez-nous à mettre immédiatement un terme au crime vaccinal révélé dans cette vidéo. Cela ne peut être fait que par le peuple, c'est-à-dire par le souverain suprême. Demandez donc aux responsables politiques, aux responsables de la santé publique et aux médecins de rendre des comptes sur les faits choquants révélés dans cette vidéo et exigez une prise de position. De cette manière, il sera possible de lancer un débat public indispensable. Ne laissez plus les groupes médiatiques criminels détenir le pouvoir sur l'information. Utilisez plutôt la possibilité de contacter personnellement les nombreuses personnes de valeur qui sont encore largement ignorantes par rapport à cette catastrophe vaccinale, étant donné que même les plateformes sociales comme YouTube suppriment généralement toute voix critique à l'égard de la vaccination peu de temps après sa mise en ligne. Ce rappel à l'ordre urgent ne peut plus être transmis que par voie personnelle, c'est-à-dire de personne à personne. Partagez donc maintenant cette vidéo éducative avec le plus grand nombre possible d'amis, de collègues de travail et de membres de votre famille en utilisant le lien qui s'affiche. Utilisez tous les moyens à votre disposition, par exemple mail, WhatsApp, Twitter, Vimeo, Telegram ou publiez simplement la vidéo sur Facebook. Aidez-nous à faire en sorte que ce rappel à l'ordre urgent atteigne le plus grand nombre possible de citoyens.